Good morning, Batman. Bonjour à tous, c'est Corto. Bon, c'est au repêchage, mais j'ai l'honneur de répondre positivement à l'invitation de Batman pour ce podcast numéro 100. J'ai 45 ans, je vis à côté de Grenoble et je suis développeur embarqué, en freelance depuis bientôt 2 ans. J'ai découvert les ordinateurs au primaire, comme beaucoup, grâce au plan informatique pour tous. Il y avait quelques cours avec du logo, mais j'ai eu la chance d'avoir un instituteur qui m'a permis d'aller au-delà, de découvrir le basique. Il était lui-même féru d'ordinateurs et de technologies. Donc ça m'a bien aidé pour démarrer. Le mercredi, la salle en question était ouverte à tous et il y avait une permanence. Donc on y allait surtout, je me souviens y être allé souvent avec mon frère. Et en fait, surtout pour jouer sur MO5, on a passé des heures incroyables sur le jeu Android, donc le Load Runner, pas le système pour smartphone qu'on connaît actuellement. C'était vraiment une parenthèse magique dans la semaine, un temps suspendu, avec cette ambiance, je me souviens, l'odeur du lieu. Et puis on passait à la boulangerie avec nos 2 francs pour acheter des bonbons. Et c'était vraiment des souvenirs merveilleux. Bon, ensuite, il y a eu la découverte du PC au collège, mais surtout de l'Amstrad dans le même temps, je crois, chez un copain qui avait un CPC 464 monochrome. Bon, c'était lent à charger, avec un affichage vert pas très joli, mais quel fun vraiment de jouer à Boulder Dash, Bomb Jack, Ikari Warrior. Plein de choses tellement nouvelles qui s'ouvraient. Bon, il me fallait un Amstrad, c'était sûr. Donc, mes parents avaient peu de moyens, mais ils ont consenti à nous l'offrir, à mes 3 frères et moi. Et puis, bon, après plusieurs années, le passage au lycée où j'étais interne, il y avait quand même les nouvelles technologies qui me faisaient de l'œil, à savoir l'Amiga et l'Atari dans les catalogues. À l'époque, j'avais du mal à... Je me souviens, je comparais les deux sur les critères qui étaient indiqués et j'avais du mal à me déterminer. Il y avait aussi ces modèles-là étaient en expo dans des magasins. Je me souviens, Majuscule à Poitiers ou des magasins comme ça. Et puis, chez un copain, j'avais l'opportunité d'y aller le mercredi après-midi et en jouer à Dyna Blaster pendant aussi des heures. Bon, ça m'a finalement décidé de revendre l'Amstrad, peut-être un peu cher, j'avoue, mais il fallait pouvoir acheter un Amiga, et ça a été le cas avec le 500. Donc on était décidé, ma cousine avait un copain qui travaillait dans un magasin d'informatique, donc on est passé par lui, on patiente, et je crois que, je sais plus si c'est pour l'Amstrad ou pour l'Amiga, le carton était là, dans la pièce, chez mes parents, et il fallait qu'on attende le jour de Noël pour l'ouvrir. C'était terrible. Mais bon, le plaisir était encore plus grand, certainement. Et donc, on a patienté, et au moment de l'allumer, rien. C'était le vrai coup de massue. Que se passe-t-il? Et en fait, il semblerait que, tout simplement, on nous ait refilé un modèle défectueux, possiblement en réparation. Donc, ça a été compliqué, mais on a fini par s'en sortir et pouvoir démarrer... En plus de Kind Words 2.0 piraté et donné par le vendeur en compensation, bravo pour l'éthique, on avait acheté une compilation comprenant Pinball Magic, et je me souviens que c'était vraiment une claque, l'écran d'accueil avec plein de couleurs, et surtout une musique stéréo qui arrive là, et qui envahit la pièce et les oreilles, c'était vraiment impressionnant. Venant de l'Amstrad, et même si plus tard j'ai découvert Pinball Fantasies et son fameux tableau avec le parc d'attractions, où là vraiment, bon, il y a avec le recul plus de comparaison possible, mais pour l'époque c'était un saut en avant démesuré. Et puis dans la compilation il y avait aussi le jeu Mystical, dont bizarrement je n'ai pas entendu parler depuis, personne ne l'a jamais évoqué, mais c'est un jeu que j'ai trouvé très joli, et on y joue avec mon frère. Très joli, un peu difficile, mais avec une super ambiance. Un peu magique, dans une époque ancienne. Et puis on a fait évoluer l'Amiga 500 au cours du temps, à commencer par une extension mémoire. Alors là, c'est encore mémorable, acheté chez Hugo Informatique, un magasin parisien, qui nous a enfumé. J'avoue que j'ai occulté un peu les détails, certainement parce que c'était un traumatisme important. J'étais enfant, j'ai dû batailler pour faire valoir mes bons droits, et puis j'ai ressenti vraiment beaucoup d'injustice dans cet achat-là. Bon, après, on a passé cette étape, on a acheté une imprimante, on s'est équipé de page setter, et on a pu faire de la PAO sur Amiga 500. Je trouvais ça vraiment génial par rapport aux ressources disponibles. On a fait de la MOS, donc que j'ai trouvé génial pour l'époque, il faut dire. J'ai utilisé DeluxePen, Octamed. Je m'intéressais un petit peu à tout. Et entre autres, je m'étais abonné à un fanzine disquette appelé Megastation. Et j'ai passé des heures à lire son contenu, qui mêlait à la fois logiciel, test, utilisation du Workbench certainement, mais aussi de l'électronique avec des petits montages que je n'ai pas toujours fait. Mais en tout cas, l'électronique, c'est un sujet sur lequel la situation n'a pas changé pour moi. C'est-à-dire que ça me fascine, je suis vraiment fasciné par ceux qui conçoivent de l'électronique et qui comprennent tout ça, mais je n'y connais moi toujours quasiment rien. On verra à l'avenir, qui sait. Bon, par la suite, j'ai un parcours assez classique, avec passage sur 1200, acquisition d'une carte 030, et puis je débarque en 96 pour mes études à Angers. Et dans la promo, j'avais un copain, et je rencontre son groupe de copains, et dans ce groupe-là, il y avait mon vieux Rafi, Raphaël Tavenard, qui était pas vraiment passionné par l'Amiga, et puis ça m'a permis de rencontrer son frère un peu plus tard, son frère Stéphane, célèbre pour la création de son décodeur MP3 sur port parallèle et surtout, sans doute, Songplayer. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, plus tard, j'achèterai une Apollo 60 d'occasion et l'histoire se répétera. Je la reçois, je l'essaye et rien. Panne, je comprenais rien, j'étais désemparé. Oui, je suis assez poissard, faut le dire. Et heureusement, Stéphane a pu retrouver la panne et réparer la carte. Donc, j'ai pu profiter pleinement de mes différentes périodes Amiga. J'ai été assez actif par le passé, j'ai commencé à écrire des articles. J'ai toujours aimé écrire d'ailleurs, mais que ce soit pour Amiga Z, puis ensuite pour Amiga Power. J'ai lancé des initiatives pour fédérer des gens, monter une bouffe à Angers qui a eu de belles suites avec les copains de la région. Et puis j'ai programmé, j'ai mis le pied dans la programmation, on avait parlé d'Amos tout à l'heure. Je suis ensuite passé au Blitz, qui me convenait bien, et puis au C à partir de 98. L'année suivante, j'étais en stage à Rennes. Et je suis parti en week-end à Toulouse, en train, sans ordi, je ne connaissais pas grand monde. Et avec le recul, je me demande comment j'ai osé tenter l'aventure. Et bon, une partie sans ordi, je vous avoue, c'est un peu nul. Mais je n'oublierai jamais comment j'étais reçu, accueilli et intégré par les gens que je ne connaissais pas, ou quasiment, que sans doute par le chat ou l'IRC. Ils sont venus me chercher, m'ont hébergé la veille de la partie, et puis j'en garde un grand souvenir. C'était une grande époque. Et côté développement, dans ces temps-là, je me suis essayé à pas mal de genres, un convertisseur de fichiers de traitement de texte, avec des heures de reverse engineering du format WordWorth, un viewer d'image, je ne sais même plus si je l'ai sorti à quelque endroit que ce soit. Et en dehors de ça, bon, je ne suis pas un grand joueur, mais dans le passé, j'ai pu découvrir quand même pas mal de jeux. Et parmi ceux qui m'ont marqué, auxquels j'ai le plus joué, je citerai Cannon Fodder, Skidmarks, Worms, Alien Breed, Eye of the Beholder, Settlers, Aladdin, Super Frog, James Bond. Et dans le style jeu d'aventure que j'aime toujours, il y a eu Simon the Sorcerer, Legend of Kyrandia, Beneath a Steel Sky, et surtout les indétrônables, bien sûr, Monkey Island. Et puis il y a eu un petit peu de démo, j'ai découvert sur le tard, je n'y connais rien, à vrai dire, mais je suis admiratif du potentiel créatif des demo makers et de leur niveau technique. Et croyez-moi, pour un développeur en herbe, ça permet de rester humble. Voilà, si je devais en retenir qu'une, je me souviens avoir été marqué par la démo Starstruck de Black Lotus sur 68060 en 2006, avec son final sur le corbeau là. Ensuite, Noël 2002, une grande étape est franchie, je passe sur NG avec un Pegasos 1, qui m'a donné du fil à retordre au début. Le système n'était, étant à l'époque, pas assez abouti. mais j'étais motivé pour contribuer de toutes les manières, et je trouvais qu'on avait l'occasion d'un nouveau départ comme à la sortie de l'Amiga. Sans vouloir revivre la même chose, bien sûr. Je dis bien sûr, mais c'était pas évident pour tout le monde, et dans les forums, je me souviens, ça bataillait sec avec ceux qui disaient, qui d'ailleurs entre-temps étaient passés sur PC, qui disaient « oui, mais c'est pas un vrai Amiga, c'est pas du 68000 et qui dans le même temps souhaitait des choses qui n'arriveraient jamais. Voilà. Donc c'était un peu ambigu à cette période-là, mais moi j'avais fait mon choix et l'Amiga NG avait toute sa place. Donc j'ai produit et expérimenté pas mal de choses en programmation, un viewer d'autodoc, un tutoriel MUI, et puis d'autres choses qui n'ont pas abouti, comme la réécriture de la lib RTG Master ou un projet de wrapper GTK vers MUI. Et pour ce qui a fonctionné, j'ai porté Song Player, puis DOSBox, puis d'autres choses encore. Mais mon projet le plus notable, ce fut PointRider, mon viewer de fichiers PowerPoint, dont j'étais plutôt fier. Et ça a été des heures et des heures, là encore, de reverse engineering sur des formats compliqués où j'aimais détester Microsoft. Voilà. Ensuite, sans mémoire des dates ni envie d'entrer dans les détails, j'ai switché sur OS4 en rachetant le micro A1 promis à Dr Bio. Ce fut ma machine pendant des années. J'ai beaucoup d'affection pour cette machine que j'ai toujours. Et puis j'ai pris une SAM 440 en plus. Je ne sais pas pourquoi, à vrai dire. Mais cette petite machine me surprend toujours par sa réactivité. Et malgré un processeur qui n'est pas très puissant, un manque de cache L2, enfin des choses comme ça, c'est vraiment une petite machine sympa. Puis j'ai acquis un X1000 en me disant que je pourrais avoir une config confortable sur laquelle il y avait des choses à faire, pouvoir utiliser OS4 mais aussi Linux, et puis peut-être en faire ma machine principale tout simplement. Mais ça, c'était avant d'être confronté à la réalité des choses. Et puisqu'on parle de réalité, arriva ensuite une longue pause, 10 ans. Donc c'est long, très long. Chaque année, je pensais que le bout du tunnel arriverait bientôt. Et c'était sans cesse repoussé, donc c'est rien de grave. Hein. Je me suis mis en couple, les enfants sont arrivés, j'en ai 3. Avec la maison dans tout ça, plus différents changements de boulot. Et la création, donc il y a près de 2 ans, de mon activité en freelance. Et donc voilà, il faut que je vous dise que ça a été dur, très dur parfois, de reléguer cette passion ainsi que les autres en ne faisant que participer aux parties. Donc voilà, c'était une petite bulle d'oxygène. C'était un peu frustrant, mais en même temps, c'était un vrai bonheur de participer aux alchimies, au week-end organisé par Uno. Et bon, c'est ainsi, je n'aurais pas changé le destin de l'Amiga, même en ayant pu m'y consacrer plus. Et puis, je suis très heureux de la vie que j'ai pu construire personnellement. Donc aujourd'hui, je reviens sur le tard, je retrouve un peu de temps. J'aime toujours l'Amiga et le PowerPC. Et j'ai recommencé à développer plus activement. J'essaye d'ignorer ou de faire évoluer certains dysfonctionnements. Il y a des situations complètement ubuesques, je trouve. Et donc j'essaye de faire ce que je peux, parce que j'ai envie, sans me demander si c'est voué à ne servir à rien, parce que sinon on n'avance plus. Et voilà, je suis toujours motivé pour être actif à nouveau, et je me dis que peu importe l'issue, je veux m'éclater, revoir les copains, créer, progresser, et puis profiter à nouveau, tout simplement. On a eu une chance incroyable de découvrir l'informatique à une époque formidable, dans les années 80, pour ceux qui ont mon âge, avec une grande diversité de machines, et des performances qui, je pense, ont gravé en nous le goût de la créativité pour exploiter au mieux les ressources de ces machines-là. Et donc ça nous a forgé, puis ça nous a créé du coup des souvenirs collectifs qu'on peut encore partager, d'excellents souvenirs. L'Amiga m'a vraiment tellement apporté des souvenirs merveilleux. Et il a même certainement changé la tournure de mon parcours professionnel, puisqu'en 2006, j'ai intégré une start-up qui a radicalement changé mon parcours en bien. C'était un marchepied terrible. Et j'ai intégré une start-up où le créateur de la technologie avait des années plus tôt créé un jeu sur Amiga, Puffy Saga, il s'appelait. publié chez Ubisoft à l'époque. Et voilà, je pense que mes compétences à ce moment-là dans l'embarqué étaient inexistantes, mais qu'ils ont, ils ont vu la passion et la motivation qui m'habitaient. Donc j'ai fait dans le monde de l'Amiga de superbes rencontres au fil des années, un petit peu partout. Et voilà, je préfère ne citer personne plutôt que de ne pouvoir les citer tous. Et je tiens juste à vous dire que vous me manquez, les gars. Donc j'espère vous voir très vite. Bon courage à tous, soyez optimistes, et puis utilisons nos Amiga, tentons de faire progresser ce qui ne marche pas bien. Et bon, j'ai envie d'y croire en tout cas. Profitons-en, profitons de ce qui s'offre à nous, et puis à très bientôt. Bonjour à toute la communauté Amiga. Je m'appelle Franck Ronzoni, alias Jig, et j'ai 54 ans. Merci Batman pour cette tribune, et encore bravo pour ton travail depuis toutes ces années. Mon aventure avec l'Amiga a commencé il y a bien longtemps, maintenant, c'était fin 1986. À cette époque, je possédais un Commodore 128, après avoir été pendant quelques temps sur Commodore 64. Et expérimenter quelques ordinateurs type TRS-80 et ZX-81 où j'avais fait mes premières armes en basique. J'étais très attaché à la marque Commodore et je traînais souvent mes guêtres devant un magasin d'informatique qui s'appelait Janal. Et un beau jour, l'Amiga est arrivé dans la boutique. Et là, c'est la méthode Bérou, la claque dans la figure. J'étais baba devant les capacités de la machine. À cette époque, j'étais sur le point de partir au service militaire. Je devais avoir une vingtaine d'années. Et je devais partir pendant un an dans la marine, en Outre-mer en plus. Et je bossais depuis plus d'un an sur de gros systèmes en informatique. C'était des IBM 3638, pour ceux qui peuvent connaître, ce qui est devenu après des AS400. Et ça m'avait permis d'économiser un petit pécule pour cette année à venir. Mais devant cet Amiga 1000, j'ai eu un espèce de coup de tafu. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas le laisser. Je savais bien que si je partais au service national pendant un an avec mon petit pécule, je reviendrais, je serais à poil et j'aurais plus rien. Mais ça faisait une belle somme de mémoire. Ça devait être 13-14 000 francs à l'époque, l'Amiga. Mais bon, je me suis décidé à l'acheter, sachant très bien me connaissant que sinon, jamais j'aurais eu les capacités financières de l'acheter à mon retour. Parce que j'aurais tout claqué, et c'est probablement ce qui se serait passé. Et je voulais à tout prix l'avoir à mon retour. Je l'achète donc, et très peu de temps après, il me faut le laisser pendant un an. Donc je décide donc de le prêter à un excellent ami, Daniel, un artiste dans l'âme. Il m'avait beaucoup appris sur Commodore 64, tout ce qui était programmation, notamment du 6510. Donc autant que quelqu'un en profite pendant cette année. Et du coup, vous me voilà parti pendant un an. Plus de nouvelles d'Amiga, si ce n'est des courriers de mon pote qui m'envoie des cassettes audio sur lesquels il me met des musiques qu'il a composées avec mon Amiga, il me met des exemples de codes 68000 avec les syntaxes à utiliser et les différences qu'il y avait par rapport au 6510. Donc inutile de vous dire que j'avais hâte de retrouver ma machine, ce qui a fini par arriver. À mon retour, j'ai récupéré donc sans attendre ma machine, et je me suis mis très sérieusement à la programmation en C et en assembleur. J'avais été sevré de tout ça pendant plus d'un an, et ça m'avait terriblement manqué. Je reprends mon boulot dans mon ancienne boîte, et ils proposent de me former comme analyste programmeur de gestion. Donc pendant 2 ans, je fais des programmes de gestion, mais ça m'excite pas plus que ça. Et je tombe donc au bout de ces 2 ans sur une annonce d'un éditeur de logiciels pédagogiques qui s'appelle Génération 5, qui qui recherche un développeur en freelance pour adapter des logiciels PC sur Amiga. Bon, je tente le coup et ils acceptent de me confier la conversion d'un logiciel de français qui s'appelle les 4 saisons de l'écrit. À propos de ce soft, DAF, il faut que je te fasse une réponse sur une question que tu m'avais posée. Je ne t'oublie pas. Donc j'adapte en C la version PC pendant mon temps libre, le soir et le plus souvent le week-end. Et ça se passe bien. Je fais la connaissance d'un musicien qui était étudiant à l'époque et qui me parle de potes qui travaillent sur un logiciel PC de type Ultima, pour ceux qui connaissent, et qui sont en contact avec Ubisoft, qui recherchent un développeur Amiga à embaucher dans la boîte qu'ils viennent de créer. Je les rencontre et je suis emballé et je signe aussitôt. Je me retrouve embarqué dans une aventure qui ne va pas durer très très longtemps. À peine une dizaine de mois, ça a vite capoté. Ils sont jamais arrivés à terminer ce logiciel PC et Ubisoft a rompu le contrat et le studio a coulé aussitôt. Bon, ça a été une aventure, ça a été une expérience, c'est pas grave. Donc je recontacte Génération 5 pour voir s'ils avaient à nouveau besoin de moi, et là, c'est le cas, ils m'embauchent, et je vais travailler pendant 7 ans pour Génération 5, et développer une quinzaine de logiciels ludo-éducatifs sur Amiga. Donc, je suis resté jusqu'en 98, mais le développement de logiciels Amiga a été vite abandonné après la faillite de Commodore, malheureusement. Donc je suis passé sur Mac, puis PC. Donc j'ai quitté ensuite l'entreprise à partir de 98, et c'est à partir de ce moment que commence ma traversée du désert avec l'Amiga. Pendant une quinzaine d'années, je relègue mon dernier Amiga, qui est un Amiga 4000, au placard. Et pendant plus d'une quinzaine d'années, je ne le sors plus. Je ne me souviens plus du facteur déclenchant, mais vers 2014, je décide de le remettre en route. À cette époque, je ne pensais pas qu'il existait une communauté Amiga. Je pensais que plus personne n'utilisait cette machine. Et j'ai découvert le site d'Amiga Impact. La magie a de nouveau opéré. Le virus, pour prendre une image d'actualité, m'a rattrapé et ne m'a plus quitté depuis. Du coup, j'ai acquis de nouvelles machines. Un A500 que j'ai vampirisé, un Amiga 600 pour jouer avec mes enfants. Je me suis remis à la programmation C, puis depuis environ un an en assembleur. J'essaye d'adapter un logiciel de plateforme qui s'appelle l'Abbaye des Morts. Ça avance doucement, mais ça avance. J'espère le terminer pour la fin de l'année, on verra bien. Je me mets pas trop la pression. Depuis ces dernières années, je participe aux différentes éditions des Alchimies. Je voudrais leur faire un peu de pub, car c'est un événement extraordinaire. Il m'a permis de rencontrer des personnes passionnantes, avec qui j'échangeais régulièrement via les forums d'AI, mais aussi d'autres passionnés que j'ai le plaisir de retrouver chaque nouvelle année. C'est un événement qui me manque beaucoup. En cette période difficile, j'ai découvert aussi de nouveaux systèmes comme MorphOS que j'utilise du coup régulièrement depuis quelques années et qui est vraiment très bien pour ceux qui n'auraient pas la chance de connaître. N'hésitez pas à vous renseigner. Voilà, ce rassemblement pour moi c'est vraiment un incontournable. Il contribue fortement à préserver ma passion de l'Amiga. Et je voudrais vraiment remercier les AAA pour l'avoir créé. Merci beaucoup à eux. Voilà, depuis 6 années, donc j'utilise mes Amiga principalement pour programmer la majeure partie du temps, mais aussi pour écouter des mods ou visionner des démos. Il m'arrive de temps en temps de jouer encore, mais le temps me manque, et cela devient un peu plus rare, même si j'ai beaucoup joué auparavant. J'adore les softs de CinemaWare pour leur jouabilité et ceux de Psygnosis pour leur qualité technique. Si je devais en choisir un, je dirais, c'est vachement difficile, allez, It Came From The Desert. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. N'hésite pas à couper Batman. Dans cette évocation de mon expérience avec une Amiga, je pourrais en parler encore longtemps, tant cette machine m'a apporté dans tous les domaines. Sur ce, portez-vous bien. À très vite sur AI ou encore mieux dans la vie réelle. Vive l'Amiga et vive tous ceux qui le font vivre. Ciao à tous. Salut Batman, c'est Tuco. Je te fais ce message depuis ma voiture. J'ai une petite heure de trajet là, donc je me suis dit que c'était le bon moment pour répondre à tes appels à l'interview. Ça risque d'être un petit peu assuré parce que je dois quand même faire un petit peu attention à la route, mais malgré tout, voilà, je pense qu'on peut discuter. Alors, tu souhaitais savoir mon parcours d'amigaïste et puis que je me présente. Donc, de mon vrai nom, Renaud Schwingrubert, je suis suisse, j'habite du côté de Lausanne et puis ben, je suis un professionnel de l'IT depuis de nombreuses années, même si j'ai un parcours académique qui ne suit pas du tout cette tendance. J'ai connu l'Amiga grâce à un ami d'enfance, Nils, qui j'espère écoutera ce message si ça lui parvient, qui m'a fait découvrir en fait sa première machine. Je crois que c'était un Amiga 500 qu'il a rapidement remplacé par un Amiga 1200, qu'il a ensuite monté en tower avec une 060 et puis différents périphériques. Qui me faisait totalement halluciner à l'époque. Et puis, moi, j'avais tellement adoré cette machine que j'ai réussi à me procurer un Amiga 500 qui était vendu dans ma région pas trop cher, avec un set de disquettes et quelques jeux et quelques programmes. Donc là, je devais avoir 10-11 ans à ce moment-là. J'ai passé beaucoup de temps à essayer tous les jeux, tous les programmes qui étaient livrés avec la machine. Beaucoup, pour beaucoup, étaient des jeux copiés avec Xcopy. Et puis je m'amusais avec Deluxe Paint, j'ai fait un petit peu d'Amos en essayant de faire des copies de code source qui étaient dans les magazines. Je crois que c'était Dream, sauf erreur, le magazine en question. On l'avait aussi ici en Suisse, on pouvait aussi l'acheter. Puis beaucoup de jeux évidemment. Alors moi j'ai jamais été un grand champion des jeux de réflexes, genre plateforme et action. Donc c'était super frustrant pour moi. Et puis finalement ça m'amusait pas plus que ça. Donc je me suis tourné vers des jeux comme Settlers que je trouvais juste incroyablement beau à l'époque avec une avec une pas une IA parce que c'est un petit peu détourné comme terme aujourd'hui, mais avec un algorithme justement côté ordinateur qui fonctionnait vraiment bien et on faisait des parties à rallonge. Puis on se retrouvait chez Nils pour faire des parties à deux de Zettlers parce que c'était un jeu qui permettait d'avoir l'écran splitté et de jouer à deux avec deux souris. Donc ça c'était vraiment fou et puis on s'amusait beaucoup. Et puis je sais plus comment on est arrivé là-dessus. Ah oui, c'était avec le. Nils recevait le magazine See You Amiga, magazine anglais sauf erreur. À chaque édition, il y avait une disquette qui était livrée avec des démos de jeux. Et puis on avait essayé une démo qui s'appelait Simon le Sorcier, Simon the Sorcerer. Et puis quand on a lancé le jeu, on s'est dit, purée, les graphismes sont juste incroyables dans ce jeu. Le son aussi était sympa. Du coup, on s'est procuré le jeu complet. Comme quoi, les démos, ça marchait bien à l'époque. Procurer le jeu complet. Et chacun y jouait de son côté. On avait décidé ça. Et Nils et moi, on était dans la même école, mais pas dans la même classe. Et en fait, on se retrouvait à midi, vu qu'on rentrait sur le chemin de l'école. Et puis, on se disait, vu qu'on n'avait pas Internet à ce moment-là, on se rencontrait sur le chemin et puis on se disait « Ah, toi, t'en es où dans le jeu ?» blablabla. On se donnait des astuces pour avancer un peu dans la solution du jeu. Et Nils avait un handicap, en fait. Il n'est pas, vu qu'il avait un disque dur et puis que ses temps de chargement étaient largement plus rapides que les miens, parce que moi, je jouais sur disquette sur mon 500, il devait attendre un quart d'heure ou 20 minutes d'être rentré à la maison avant de pouvoir commencer à jouer. Comme ça, on pouvait commencer à jouer ensemble. Et puis, il n'y avait pas de grosse discordance, de grosse différence le lendemain. Donc, c'était super faire. Et ça nous a tenu quelques semaines en haleine, ou quelques mois, je ne sais plus, parce que le temps à ce moment-là est un petit peu stretch. Et puis on est arrivé jusqu'à la fin du jeu comme ça. Et c'était vraiment une super aventure que j'ai vécue avec mon ami d'enfance. Et puis voilà, j'ai voulu faire évoluer ensuite un petit peu mon Amiga 500. Donc je lui ai rajouté un petit boîtier qui se mettait sur le côté, sur le bus Zorro, avec un disque dur, un kickstart switcher. Je lui ai installé une méga chip pour passer la chip à 2 mégas. Également un accélérateur 68-20, et c'était vraiment une machine à l'époque, vu que j'avais pas les moyens ni l'accessibilité, je crois que c'était assez difficile finalement d'acheter un Amiga à ce moment-là. Dans la région où je vivais, il n'y avait pas forcément de source pour acheter ce type de machine. J'avais un Amiga 500 boosté aux hormones, très proche d'un Amiga 1200 pour le coup. Mais qui n'avait pas l'AGA, donc je profitais pas des jeux AGA. J'étais un petit peu triste grâce à ça, surtout que au niveau stabilité, ensuite c'était relativement moyen, parce que c'était un enchevêtrement finalement de patch de tous les côtés, que ce soit software ou hardware, pour avoir des bonnes performances. Du coup, je me suis dit, je continue un peu sur cette lancée, vu que tout ce qui a été investi, ça serait dommage de le perdre. Donc j'ai voulu mettre mon Amiga 500 en tower, avec des ports Zorro. Et puis ça a été un fiasco total. Ça n'a pas fonctionné. J'ai fait appel à un revendeur de la place là où j'habitais pour m'aider dans cette tâche. Et puis ça n'a jamais fonctionné. Du coup, j'arrivais à une période de mon enfance ou ma préadolescence où, comme beaucoup, j'ai eu d'autres centres d'intérêt, en particulier les demoiselles. Et j'ai laissé un petit peu l'Amiga de côté. À tel point que je me suis débarrassé même de certaines machines. Et c'était un peu l'émergence aussi des PC. Mon père avait acheté un PC pour la maison pour travailler dessus. Et en gros, j'ai commencé un peu à aller sur PC. Ensuite, il y a eu Internet, Netscape, Navigator, blablabla. Enfin voilà, tout le cycle. Et j'ai complètement perdu finalement l'attrait pour l'Amiga qui a été remis au rebut. Et puis ensuite pour les études, j'ai déménagé ici du côté de Lausanne, où j'ai continué de m'amuser beaucoup avec mes PC, à overclocker, mais c'était rapidement un peu ennuyeux. J'ai rapidement eu la nostalgie des anciens jeux Amiga que j'avais adoré, et en particulier évidemment Simon le Sorcier, mais aussi les SimCity, les SimHunt, SimLife. Je crois qu'il y avait SimTower aussi, sauf erreur, sur Migi. Les Settlers, et ainsi de suite. Du coup, j'ai retrouvé un Amiga 1200 que j'ai remis en état. Et puis, me renseignant sur ce qui se faisait à ce moment-là, j'ai découvert un monde en fait qui m'avait totalement échappé pendant plus de 10 ans, qui était justement tout ce micmac de hardware, où il y avait quand même des gens qui continuaient à produire du hardware. Je pense bien sûr à Jens avec ses cartes accélératrices, les AK, l'Inivision. Donc j'ai commencé par ça, je me suis dit chouette, je vais pouvoir nouveau upgrader mon hardware, l'utiliser sur un écran, parce que j'avais pas la place dans mon appartement pour avoir un écran à tube, pouvoir utiliser sur mon écran d'ordinateur normal, pouvoir avoir une carte compact flash, pouvoir installer un système un petit peu de performance, un 68030. Et puis j'ai fait ça, et puis franchement c'était vraiment super fun. La machine m'a permis à nouveau de faut que je fasse attention quand même, parce que sinon je vais faire un accident. M'a permis justement de redécouvrir des titres que j'avais complètement oubliés, et puis c'était vraiment chouette. Et je me suis pris au jeu, j'ai recommencé à passer du temps là-dessus, à rebidouiller sur le workbench, parce que ça c'est aussi c'était un de mes grands plaisirs, c'était de tester des nouvelles versions de librairie, tester des patchs, voir si j'avais des petits gains de performance ou bien si ça amenait des plus ou moins de stabilité. Là aussi j'ai passé vraiment beaucoup de temps à faire ça. Et puis je me suis dit à un moment donné, je vais voir, je continue un petit peu mes recherches, voir si se fait un petit peu mieux, est-ce que je pourrais continuer à booster un peu ma machine avec du 68040 ou 68060 que je n'avais jamais eu à l'époque. Et là je suis tombé sur le post d'un mec sur eBay qui s'appelait Igor Mashtarovich, qui lançait une carte accélératrice appelée Vampire V1. J'étais là, waouh, ouais, c'est incroyable ce truc, je connaissais pas la technologie FPGA à l'époque. Puis avec les chiffres qu'il annonçait en termes de performance dans 6 infos, j'étais vraiment bluffé. Donc je me suis un petit peu intéressé à ça. Malheureusement, toutes les cartes en question avaient déjà été vendues, tous les batchs étaient déjà attribués. Donc j'étais un petit peu déçu. Mais je me suis dit, je continue à suivre ça parce qu'il y a quelque chose qui doit se faire. Et je me suis rapproché du club AMF, qui est donc le club local ici pour l'Amiga en Suisse romande. Pour la petite anecdote, j'étais membre du club de ma région jurassienne à l'époque, qui a été dissoute après quelques années. Et donc j'ai repris contact avec le club ici à côté Lausanne. Et c'est là que j'ai fait la rencontre de Benoît Viblet, Amiga Ouf, que beaucoup connaissent, et de Stéphane Pitlou, alias Guybrush. Et deux personnes tout à fait sympathiques et charmantes, même si vous connaissez Benoît. Et on a partagé cette passion au travers du club, on a fait différentes rencontres, j'ai pu participer à la ouf party à plusieurs reprises, et Benoît m'a montré, lui il avait une Vampire V1, il m'a montré un petit peu comment ça fonctionnait. Stéphane, lui, il est allé très loin dans des aspects justement d'accélération de son Amiga 1200, et puis de très loin aussi en termes de détails au niveau graphique, avec du RTG sur un écran qui était juste bluffant. Comme quand il me l'avait montré, il avait tout intégré dans un boîtier, c'était vraiment picobello comme il avait fait ça. Très belle intégration. Et à ce moment-là, j'ai décidé de me rapprocher de la team Vampire, parce que je me suis dit, ils font un produit qui est juste magnifique, mais par contre ils ont une manière de le marketer qui est juste inexistante. En fait, il n'y a pas de site web ou pratiquement aucune information sur internet. Tout est vraiment décousu, c'est pas du tout au goût du jour, et je suis persuadé qu'il y a un marché d'amigaïste qui est pas adressé. Donc il y a des gens probablement qui ne connaissent même pas le produit et qui passent totalement à côté de ça. Donc je me suis rapproché d'eux au moment où, en fait, où il y a les premières versions bêta ou versions de développeur de la Vampire V2 qui apparaissaient, parce que la Vampire V1, pour la petite histoire, pour l'anecdote, donc Machtal avait développé avec le core TG68, et qui a un core 68020 plus ou moins abouti aujourd'hui, qui est assez abouti dans son intégration dans le Mister et le Mist, qui fonctionne assez bien, mais voilà, il est toujours bloqué en fait en termes de performance à du 68020 à 30-50 MHz, voilà. Mais il va pas beaucoup plus loin, il n'a pas de super scalar, il n'a pas de FPU, il n'a pas toutes ces choses qui font que le 68060 ou 68040 même était beaucoup plus performant. Donc Mashtab est dans l'idée, il a rencontré justement Gunnar von Bonn, Je ne vais pas refaire toute l'histoire parce qu'elle est connue. Et ils sont associés justement pour porter le corps Apollo, 68 000, appelé plus tard à 68 080, sur cette Vampire V1. Mais là, voilà, les premiers essais ont rapidement démontré que le FPG employé dans la V1 était beaucoup trop petit pour faire tenir déjà à ce moment-là le 68 080. Donc ils sont lancés dans la Vampire V2, qui au départ aurait 64 mégas de mémoire sur un seul canal. Et là aussi, tel qu'on la connaît aussi, la Vampire V2, ensuite elle a été upgradée à 128 mégas. Et puis à ce moment-là, moi je suis entré en contact avec la team en leur disant bah, écoutez, moi je peux vous aider sur tout ce qui est testing de la carte. Mon métier à la base, c'est la vente et puis le marketing. Donc laissez-moi un petit peu vous aider là-dessus. Et puis on a commencé une collaboration comme ça où je les aidais sur certains points techniques. Je les aidais également sur tout ce qui est hosting. On a mis en place des outils collaboratifs pour un petit peu permettre de travailler plus rapidement et puis mieux. Et je me suis joint à la team. J'ai fait une première review de la carte sur Abim. Et puis là, la sauce a commencé à prendre. Avec Machta, justement, j'ai développé pour lui un site web pour la vente des cartes V2. Et à ce jour, je crois qu'on est à plusieurs milliers. Je ne vais pas dire le chiffre exact parce que ça attise toutes les convoitises. Plusieurs milliers de V2 qui sont de la nature. J'ai continué à suivre le projet. Aujourd'hui, je suis toujours impliqué dans la team, essentiellement avec la Vampire V4, même si je ne délaisse pas la V2 parce qu'elle a toujours du potentiel. Mais c'est une carte qui est déjà très aboutie. Donc c'est pour ça que je m'y intéresse un tout petit peu moins aujourd'hui. Je passe un tout petit peu moins de temps dessus par rapport à la V4 qui est pour moi l'aboutissement ultime en fait de l'expérience Amiga classique que j'ai toujours été, dans le sens où quand j'étais gamin je rêvais d'avoir un Amiga 4000 parce que c'était l'essence même pour moi de la performance au niveau Amiga. Voilà, il y avait plein de cartes d'extension, du 68060, il y avait des bus d'extension qui étaient de ouf. C'était vraiment, vraiment le truc. Puis c'était tellement cher que pour moi c'était inaccessible, donc du coup ça me faisait rêver. Et pour moi la Vampire V4 c'est ça, mais portée à son paroxysme, parce que c'est largement plus performant qu'un Amiga 4000 de l'époque. Ça réimplémente l'AGA que j'ai jamais eu, ou très tard. Et il y a une carte graphique RTG, ça aussi j'ai jamais eu à aucun moment avant la Vampire, c'était ma première carte graphique RTG. J'ai jamais eu de FPU non plus, donc à chaque fois que j'étais toujours un peu frustré de lancer des applicatifs ou des jeux ou des démos. Les démos c'est vraiment le truc que j'ai jamais pu avoir sur mes Amiga parce que j'ai jamais eu de FPU. Et j'ai pas accédé en fait à ce monde des démos à cause de ça, tout ce qui est démo AGA, 68060, RTG et tout, ça m'était complètement inconnu. Et ça m'est venu justement avec la Vampire. Et la V4 pour moi c'était l'aboutissement ultime parce qu'il y avait tout ça dans une seule machine. Et surtout ça prend très très peu de place. Le mètre carré est relativement cher ici en Suisse. Du coup, les appartements sont pas non plus font pas des centaines de mètres carrés, même si je me plains pas. Mais j'aime avoir un bureau clean et puis où où je peux bosser et puis en même temps ça peut être aussi mon espace de jeu. Du coup, la Vampire V4 pour moi c'est vraiment le top parce que ça prend très très peu de place. Il y a une empreinte sur mon bureau qui est vraiment minimale. Et j'ai toutes les performances que pourrait avoir un Amiga 4000 Tower, ça va même beaucoup plus loin. Donc pour moi, la V4 aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus où je mets le focus, parce que déjà, il y a beaucoup de travail encore à faire, parce que il faut l'admettre, c'est encore un work in progress sur de nombreux points. Et ça, Gunnar en est totalement conscient, c'est pour ça que les efforts sont mis essentiellement là-dessus aujourd'hui. Mais c'est aussi parce que j'adore cette machine. Il y a beaucoup de développements aussi qui se font maintenant. Il y a des jeux même qui vont sortir qui seront exclusivement pour la Vampire. Donc voilà, pour moi c'est vraiment la voie à suivre. Néanmoins, j'ai encore des machines classiques à la maison. J'ai à peu près toute la collection des plus marquantes. J'ai, je crois, 5-6 Amiga 600 que j'avais acheté pour justement un Vampire 600 au début. J'ai également plusieurs Amiga 500. J'ai un Amiga 500 Plus Roth, donc ceux qui sont ceux qui étaient sortis sur Amiga 1K en format PCB que j'ai monté moi-même. Donc ça, j'étais super fier aussi d'avoir réussi à faire ça parce que j'ai vraiment deux mains gauches. Et puis l'électronique, ça n'a jamais été vraiment mon fort. J'ai une CD32 qui m'a été gentiment proposé par Benoît, qui est aussi un de mes Amiga préférés. Alors celui-là, je l'ai étendu avec une TF330 pour avoir un 030 dedans, une division avec un port HDMI, et puis là une petite compact flash avec une distribution qui lance un launcher de jeu WHD Load. Donc pour moi, c'est vraiment la console Amiga juste parfaite si on veut rester dans du réel. C'est juste parfait pour WHD Load pour ce que j'en fais. J'ai également un 4000 desktop que j'avais aussi upgradé à mort avec une CyberVision 64, une Cyberstorm 060 MK2 un petit peu overclockée, une carte réseau, une Ariane 2 pour accéder au réseau, une FastData. Voilà, donc une belle machine, mais qui chauffait quand même malheureusement beaucoup. Le 4000 desktop est pas vraiment, même s'il le permet, je crois qu'il n'était pas vraiment prévu pour être upgradé à ce point-là. Du coup, dernièrement, j'ai fait l'acquisition d'une carte mère A4000 TX. Je n'ai pas monté moi-même parce que le SMD, c'est vraiment hors de ma portée. Et puis je suis en train de porter en fait toutes les cartes d'extension que j'avais dans mon 4000 desktop dans ce 4000 TX. Pourquoi, vous me direz, je fais ça? Parce que c'est totalement paradoxal à finalement à ce que je viens de dire avant sur la Vampire V4. Mais c'est que j'ai quand même beaucoup d'admiration pour les gens qui reproduisent ces nouvelles cartes, ces reproductions de Amiga sur des PCB neufs. Je tiens à avoir chacune des machines qui est reproduite, de l'avoir une fois en vrai. Alors là, ça va être chaud si j'arrive à m'insérer là-dedans. Hop, voilà. J'ai également donc plusieurs Amiga 1200, un qui est vampirisé, aussi un PCB justement d'Amiga 1200 refait à neuf. Avec ma Vampire dans un boîtier de Philippe Lang, une division MK3, voilà, aussi tout ce qui se fait de mieux pour cette machine, je lui ai tout donné. Voilà, pour le reste, j'utilise malgré tout quand même pas mal WinUAE pour l'émulation, dans le sens où je teste pas mal de choses avant de dire ça ne fonctionne pas sur Vampire, je fais toujours et puis de reporter ça au sein de la team. J'utilise toujours UAE en fait pour tester d'abord que ça fonctionne sur UAE avant de tester sur la Vampire. Parce que si ça ne fonctionne pas non plus dans UAE, ça sert à rien d'apporter que ça fonctionne pas sur la Vampire, parce que quelque part c'est un peu le maître étalon aujourd'hui UAE pour tester rapidement des choses. Étant donné que tester sur une machine réelle dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec un 0.40 ou une 0.60, c'est quand même relativement compliqué. On a plus vite fait en fait de tester sur UAE et le résultat est pratiquement aussi bon, même si UAE n'est pas toujours exemple de bug. On a pu le remarquer en fait en développant le CPU de la Vampire, qu'on a corrigé des bugs au niveau du core FPGA qui ne sont pas corrigés aujourd'hui dans UAE. Flype en particulier, qui avait remarqué certaines choses sur certaines instructions. Alors, c'est vraiment des cas bien spéciaux qui ne sont pas utilisés dans la majorité aujourd'hui des softwares qu'on utilise. Mais voilà, il y a des petites différences malgré tout, et puis on les connaît. Donc voilà, donc je suis toujours actif. La voie aujourd'hui est de la Vampire est vers Arros. Je suis personnellement toujours très attaché à MegaOS, ça je vais le cacher à personne. Mais Arros aujourd'hui c'est la voie qui est la plus prometteuse pour la Vampire, parce que voilà, la situation dans le monde Amiga est telle qu'on on la connaît, avec Cloanto d'un côté qui se bat pour faire reconnaître sa légitimité en tant que propriétaire de tout ce qui est Amiga classique, face à Hyperion qui développe le 3.1.4 et le 3.1.2 dont je suis aujourd'hui aussi bêta-testeur, mais qui semblerait-il le fait de manière qui ne plaît pas à Cloanto, ou d'une manière en tout cas qui, selon le regard de Cloanto, n'est pas légale. Et bah voilà, la Vampire doit avancer, et on va pas pouvoir attendre finalement des décennies que ces combats légaux en finissent, parce que si vous suivez un petit peu l'actualité de cette bataille, en fait il y a toujours des délais qui sont demandés, qui sont repoussés de 6 mois en 6 mois, de 3 mois en 3 mois, de semaine en semaine, et ils trouvent toujours une manière en fait de repousser le truc un peu plus loin. Ben Hermans chez Hyperion est un justiciable, donc il connaît très bien le domaine, donc il est très malin pour repousser les échéances plus loin et puis faire durer le suspense, alors que tout devrait être réglé depuis très longtemps. Donc voilà, donc nous on peut pas attendre finalement de savoir qui est le réel propriétaire, donc on va pas donner l'argent pour licencier un kickstart chez l'un ou chez l'autre, parce que potentiellement on pourrait miser sur le mauvais cheval, puis se dire ah ben voilà, on a filé de l'argent à Hyperion alors que finalement bah, c'est complètement illégal ce qu'ils font, ils ont pas les droits. Ça serait un peu dommage de dire ensuite à tout utilisateur bah, on vous a fourni un kickstart qui est pas légal, donc bah, il faut racheter un kickstart chez Cloanto si vous le souhaitez. Donc voilà, ça, on ne veut pas entrer dans ce débat-là. Finalement, on s'est dit le mieux sera d'aller faire comme Apple quelque part, ou comme d'autres éditeurs, constructeurs. Si on a le contrôle complet sur le hardware et sur le software, ça nous donne une liberté qui est totale. Donc Arros est open source. On peut utiliser l'open source tant qu'on reste, tant qu'on publie aussi les modifications qu'on fait. Et bah, on reprend ce projet qui avait été un petit peu laissé à l'abandon, et on continue à le développer. C'est une chose qui est faite en ce moment. Alors pour pas se cacher, Arros dans l'état où on l'a pris au début était vraiment juste lamentable sur 68K. Pratiquement plus personne qui le développait sur cette plateforme. Tous les efforts étaient mis sur le côté x86. Je le critique pas. Parce que bah voilà, à ce moment-là, le X86 a beaucoup plus de performance que le 68K. Et puis Arros, écrit en C pour la grande partie de son code, n'avait pas de plateforme 68K assez performante pour tourner. Donc c'est pour ça aussi que ça a été abandonné ou mis un petit peu sur pause pendant quelques temps. Mais avec la Vampire, la donne change. Et puis aujourd'hui, bah, on a, avec les développements que Gunnar a mis lui-même les doigts dans le code, ben on a un Rose qui tourne beaucoup plus vite que ce qui tournait sur Vampire déjà quand on est arrivé à faire tourner il y a une année, et ça profite vraiment à tout l'ensemble du 68K, parce qu'il n'y a pas que des optimisations pour Vampire qui sont faites, il y a des corrections de bugs aussi qui peuvent être backportées ensuite sur le branch général de Arros. Il y a des tonnes de codes finalement qui servent à rien, multiplateforme, dans Arros 68K, dont on peut se délester pour compiler ça de manière beaucoup plus légère et plus performante. Donc Arros, c'est la voie aujourd'hui pour la Vampire. Ce qui va être fait prochainement pour les prochains corps, pour la V2, alors là je donne un petit peu des infos, c'est que le prochain corps V2 sera fourni avec un kickstart Arros. Et c'est ça aujourd'hui qui tient un petit peu en haleine la distribution des cartes V2, c'est que vu qu'on n'a plus Cloanto ne nous laisse plus la possibilité d'acheter des kickstarts Si on forçait, on sait qu'on pourrait les avoir. Mais on peut plus acheter de Kickstart chez l'un ou chez l'autre. Ils ne souhaitent pas qu'on nous vende des Kickstart compte tenu du procès qui est en cours. Du coup, on doit quand même fournir ça à un Kickstart avec les cartes V2. Donc, on va fournir le Kickstart Aros avec le prochain corps de la V2. Comme c'est déjà le cas sur la V4, et puis bien sûr continuer à fournir tous les outils nécessaires pour reflasher le Kickstart sur ces cartes et mettre ensuite le Kickstart qui vous plaira, le 3.1, 3X, 3.1.4 ou le futur 3.2. Donc voilà, c'est la prochaine voie qui sera prise. Voilà un petit peu pour moi et puis mon application dans la team Vampire. J'ai malheureusement personnellement pas beaucoup de temps à passer sur les forums de par mon travail aujourd'hui. Je le passe essentiellement sur la team Vampire à discuter avec la team. Si les gens veulent m'écrire ou me parler, c'est très volontiers que je répondrai. Il faut toujours un petit délai malheureusement. Soit sur Facebook ou bien sur le Discord de la team Apollo, n'hésitez pas, voilà, je suis toujours à disposition, ou par email aussi, il n'y a aucun problème, je répondrai avec le plus grand des plaisirs, et puis si vous avez besoin d'infos, on est là. Maintenant sur le Discord de la team Apollo, il y a aussi même un channel français qui existe, donc n'hésitez pas à vous joindre à nous, et puis à partager le fun de l'Amiga. Parce que pour moi, l'Amiga, à la base, c'est vraiment du fun, quelle que soit la plateforme sur laquelle on utilise, que ce soit sur Vampire, sur Amiga 500 Stock, Kickstart 1.3, sur MMNG, sur MorphOS, surtout, vraiment, l'esprit Amiga perdure grâce à ces plateformes, et c'est ça qui est beau aujourd'hui et que j'adore. Même si je ne suis pas un grand fan du NG, parce que pour moi, un Amiga, ça doit booter vite et rapidement. Et puis, l'Amiga, c'est pas stable et ça plante. Et du coup, quand on le reboot, ça doit rebooter très vite. J'aime pas attendre qu'une machine boot un Kickstart pour en démarrer encore un autre. Et puis, voilà, ça prend le temps de démarrer comme un PC, autant lancer l'émulation. Ça, c'est mon avis. Mais voilà, l'esprit Amiga, quel qu'il soit, continuez à l'entretenir, le feu est là, même dans nos bastons, quelque part, on se frite, je fais un petit clin d'œil à Jibam en particulier, avec qui je me suis beaucoup frité dans la communauté francophone, mais malgré tout, j'ai une certaine amitié pour ces personnes, parce que... C'est des débats qui me plaisent, même si on n'est pas d'accord, même si on se frite. On a des points de vue qui sont très forts, chacun, avec chacun nos vérités, nos ce qu'on pense être vrai, ce qu'on pense être juste. Il y a ce qu'on pense, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et puis il y a un entre-deux, c'est jamais tout vrai, c'est jamais tout blanc. En plus, techniquement, personne n'a la science infuse, personne n'a une visibilité totale sur chaque chose. J'aime beaucoup ça et je prends du plaisir à faire monter la sauce, monter ma propre sauce et monter aussi celle des autres dans ce type de débat. Ça me plaît beaucoup moins quand on en vient aux insultes ou bien aux choses personnelles. Des fois ça dérape un peu, puis c'est là que ça me fait moins rire. Mais voilà, j'aime le débat quand il est construit, et puis j'aime déconner aussi, donc j'aime bien le troll aussi. Le troll peut, à mon sens, peut être drôle quand il est fait finement, quand il est fait avec humour, quand c'est pas juste pour de la critique pour détruire. J'aime le troll, voilà. Voilà, sur ces quelques réflexions philosophiques, j'espère ne pas avoir bouffé trop de temps non plus. Merci Batou pour cet appel du pied, pour l'interview. J'aime bien le concept, et puis je souhaite à toute la communauté Amiga française beaucoup de plaisir avec tous les développements auxquels on assiste en ce moment. Il y a un renouveau de l'Amiga classique qui est en marche et je pense qu'il ne va pas s'arrêter parce que on a tous une passion, on a un âge tous qui nous permet de profiter de cette passion. Donc voilà, vive l'Amiga et puis vive notre passion. À bientôt, bye bye. Et voilà que le numéro 100.5 est enfin terminé. Vous avez pu, dans ce podcast, ce dernier numéro du podcast 100, entendre la douce et suave voix de Corto. Corto qui m'avait pas donné de musique pour mettre en fond. Donc j'ai écouté de quoi il parlait. Et je sais, donc j'ai entendu qu'il avait particulièrement apprécié Mystical et Pinball Magic. Pinball Magic que je ne connaissais pas, donc belle découverte aussi. Donc du coup j'ai mis en fond sonore, vous entendez Mystical et Pinball Magic, le thème de l'écran titre, et vous devez les entendre normalement deux fois chacun je pense, donc qui se suivent. Ensuite vous avez pu entendre Jig. Alors Jig avait choisi la musique de Rings of Medusa, donc ça c'est pareil, encore un titre que je ne connaissais pas. Et ensuite, vous avez pu entendre donc notre ami Touko, qui a été un des premiers d'ailleurs à m'envoyer son témoignage, et que j'ai mis en dernier, donc il y a peut-être un petit décalage entre ce qu'il dit, en parlant du corps, notamment de la vampire, mais je crois pas que ça soit sorti, donc finalement, c'est encore des nouvelles fraîches, entre guillemets. Et voilà, parce qu'il y a un peu de temps qui s'est écoulé, et donc voilà, comme Screech, il s'est un peu épandu et c'est cool parce que je suis vraiment content de pouvoir écouter tout ce qu'il raconte parce que c'est toujours très intéressant. Et du coup, je lui ai mis, c'est moi qui ai choisi, je lui ai mis des musiques de Simon le fucking sorcier, comme dirait notre ami Guybrush. Alors il y a plusieurs pistes différentes. J'ai récupéré les pistes sur Amiga Paradise, donc je vous invite à aller faire un tour. J'espère que je penserai à mettre le lien vers Amiga Paradise. Je vais le mettre tout de suite, donc si vous entendez taper, c'est parce que je tape sur mon clavier qui fait du bruit et c'est incroyable. On dirait le clavier de Kalel, si Kalel m'entend, mais je crois pas qu'il m'écoute. Donc voilà, je les ai récupérés sur Amiga Paradise, en sachant que bah, vous avez la piste, normalement la piste Forest, la piste Witch, Snow, Frozen, Sordid et Tower, normalement. Je sais qu'il y en a pas mal quelques-uns, dont Highlander, qui ont demandé à ce que je fasse un petit peu mon récap à moi aussi. Moi je vais juste, entre guillemets, vous faire un récap sur, parce que je crois que je l'ai déjà fait une fois ou deux déjà, parler de mon histoire de l'Amiga, donc je vais pas encore ressasser longuement, revenir sur les points, entre guillemets, mémorables de moi avec mon Amiga, de mon Amiga avec moi, de moi, ouais, enfin bref, j'essaie d'être poli mais c'est compliqué. Je me rappellerai, je pense, du coup, toute ma vie maintenant, quand j'ai eu mon Amiga 500, c'était Noël 91, je dirais. J'avais de mémoire rien commandé de particulier au Père Noël, enfin, pas que je sache. Et en fait, ma maman avait un caméscope, donc en fait, elle a filmé la scène, et c'est pour ça qu'en fait, cette scène reste gravée dans ma tête, mais en fait, comme s'il était externalisé, en fait, je la vois depuis l'œil du caméscope, parce que cette vidéo, j'ai déjà regardé quelques fois. Et en fait, ouais, j'étais fin fou, et j'ai sous le sapin, il y avait un Amiga 500, un 1084S, et puis une manette Kickstart, je sais jamais, donc un manche à balai, quoi. Et c'est vrai que je me souviens, je vois la vidéo, je me vois avec cette manette en faisant piou piou piou piou, voilà, en étant comme un gosse, quoi, ce qu'elle veut dire. Donc j'étais fin fou. Cet ordinateur était dans ma chambre, d'ailleurs, sauf que pour pouvoir l'utiliser, en fait, il fallait que je tire une rallonge électrique parce que j'avais pas de prise électrique dans ma chambre, donc il fallait que je tire une rallonge jusque dans la cuisine, et donc bah, finalement c'était pas très discret quand je voulais un peu jouer avec, quoi. Mais bon, sinon dans les choses aussi mémorables qui me restent marquées, je me souviens d'avoir joué à Dune sur la télé, je sais pas, j'avais dû passer peut-être une semaine chez ma grand-mère et j'avais embarqué l'Amiga 500 sous mon coude, c'est qu'à te le dire, et j'avais branché sur la télé, j'ai joué à Dune sur la télé de la grand-mère. Je me souviens aussi du vendeur de Belfort qui m'avait vendu l'Amiga 1200 en me disant qu'il l'avait mis en français, et puis moi comme j'avais jamais eu de disque dur, je croyais qu'il avait fait un truc incroyable, Sauf que bah, en fait non, il n'y a rien d'incroyable. Hein. Il l'a allumé, il est dans les préférences, il a choisi le français, il a éteint, puis voilà, c'était fini quoi. Donc c'était pas non plus la folie. je me souviens aussi, première expérience de disque dur, en me disant ouais, je le formate et puis je réinstalle tout, comme ça je serai trop fort. Je verrai comment ça marche et tout. Ça fonctionnait bien, hein, pas de souci. Jusqu'à ce que je me rends compte que ce cas-là, en fait, il était que installé sur le disque dur et il n'y avait pas de disquette pour le réinstaller. Donc j'ai jamais utilisé ce cas-là. Alors qu'il était filé avec mon Amiga 1200 Magic Pack, ou Pack Magic, voilà, donc ça c'était chouette. Et sinon bah, plein de super souvenirs avec les copains, avec les jumeaux, pendant que j'étais en seconde, je connaissais personne, j'étais encore avec mon Amiga 500, j'avais jamais connu d'autres utilisateurs, à part peut-être si mon voisin, mais qui utilisait plus vraiment son Amiga quand on a déménagé, et qui m'avait filé une extension de 512 kg de mémoire pour mettre dans mon 500, et qui de l'autre côté me disait, bah tiens, prends un tiroir de la commode là, c'est des jeux, tu vois, pour les récupérer. Et donc j'avais testé plein de jeux, parce qu'il avait des tonnes de jeux, je ne savais pas copier, donc je n'avais pas fait de copie. Mais j'avais quand même repéré des pépites hein, au milieu de ces jeux, sur ces disquette avec laquelle il y avait écrit à la main le nom du jeu, dont Dune, Flashback, Teenage Queen, le jeu de poker, c'est vraiment les jeux, ou Vroom encore, je crois que j'avais essayé à cette époque-là, donc un peu de la folie. Sinon, je me souviens aussi de longues heures passées avec à jouer à Poing avec mon beau-père sur l'Amiga 500, quand ils avaient racheté la maison. Parce qu'avant, ma maman habitait dans un appartement, puis donc avec mon beau-père, ils avaient acheté une maison. Et bah, pendant qu'ils faisaient le bricolage, tout ça, refaire toutes les pièces et tout, ma chambre, entre guillemets, avait été une des premières. Et donc l'Amiga 500 avait été le premier, entre guillemets, à être branché sur le réseau électrique. Et donc il était posé par terre, et je me souviens d'avoir joué de très longues heures avec mon beau-père à Poing. Donc ouais, c'est voilà, plein de souvenirs comme ça quoi. Donc l'Amiga c'est un peu tout ça, et puis plein de souvenirs avec les copains aussi, les Amiga bouffe, les bouffes sur Belfort qu'on a faites au début des années 2000, les Amish, les alchimies évidemment, les International Garden Dwarf Rave Party organisées par les Wood Tower, dans lesquelles on balançait non pas des disquettes ou des CD, mais on faisait du lancer de Nain Jardin en céramique. Oui, faut retrouver les photos, mais ça valait des points. Voilà, tout plein de choses, et puis ben, toutes ces rencontres merveilleuses, tous les copains et tout ça quoi. Donc voilà. Donc 5 podcasts 100 d'une durée d'une heure à peu près chacune, donc voilà, 5 heures de témoignages qui font que ben, ça me fait plaisir de vous entendre les copains, parce qu'on se voit plus. On est un peu tous confinés entre guillemets, donc c'est cool de pouvoir s'écouter, de pouvoir écouter vos parcours. Je suis vraiment très content que vous ayez tous accepté de participer. Si jamais il y a des personnes qui n'ont pas participé et qui voudraient quand même participer, n'hésitez pas, hein, envoyez-moi dans le prochain ou dans le podcast suivant, hein, je pourrais les insérer. Peut-être que si j'ai assez de matériel, je pourrais refaire un podcast dédié comme ça. Donc n'hésitez vraiment pas. Ça m'a fait vraiment, comme je disais, chaud au cœur, hein, comme me dit Eric Ramsey. Et donc, voilà. Merci à tous. Pour terminer ce podcast, je voulais mettre une musique de Alex Menchi, parce que je suis vraiment tombé en amour de son travail, voilà, en matière de modules. Donc je suis vraiment tombé en amour des modules de Alex Menchi, et donc j'ai décidé de mettre, pour conclure ce dernier podcast 100, Night of the Hunter, la nuit du chasseur, donc de Alex Menchi. Moi, vous devez écouter par derrière la musique de Pinball Fantasies, la musique de Partyland, donc une de mes tables préférées, comme Corto. Voilà. Écoutez, ben, je vous fais des bisous à tous. Hein. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Pâques. Et surtout, n'oubliez pas que l'Amiga soit avec vous.